On va parler avec Roger Brulotte du décès de Pierre Rinfret, également de l'actualité sportive. Salut Roger. Salut, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Roger, évidemment, écoute, les vendredis, ça commence à être épeurant pour les gens du monde du sport. Guy Lafleur, Mike Bossy et aujourd'hui Pierre Rinfret. Pierre Rinfret, c'est quand même un grand du monde de la radio. 55 ans qu'il a œuvré dans le domaine de la radio. Tu l'as sûrement très, très bien connu, puisque je pense qu'il était un proche également de René Angélil. Puis toi, ben, René Angélil, vous êtes des grands amis, vous êtes de la même génération. Ouais, mais Pierre et moi, on se connaît depuis 1969, le début des expos. Oui, effectivement. On a travaillé ensemble, c'est à CTMS, il a fait des tours, il a même fait la couverture des expos pendant un an sur la route. Pierre, c'est un ami de longue date avec qui j'ai joué au golf. Mais moi, je ne joue pas au quatre. Je joue au quatre avec les autres, mais pas avec moi. Moi, je ne joue pas au quatre à l'argent. Et puis, on a toujours eu ce plaisir à discuter. On a fait des émissions ensemble. Tu sais, Pierre, d'après moi, c'est le seul que je connais, sauf les gens de Radio-Canada, qu'il y en a quelques-uns, qui a fait les Alouettes, qui a fait le Canadien, qui a fait la couverture des Expos, qui a fait la couverture de Sherbrooke. Tu regardes tous les sports professionnels qu'il a couverts d'une façon incroyable. Le golf, il a même fait le Masters du golf. Pierre, pas juste polyvalent, mais compétent. Ah oui, oui, oui. Puis encore, il était encore très à date. Son émission, avec encore cet hiver, avec Yvon Penneau, au 91-9, c'était du bonbon à entendre les deux, là. Ce que c'est que la valeur, c'est qu'on perd une autre mémoire du Québec. Ouais. Tu sais, à un moment donné, tu deviens la mémoire du Québec. Mm. Et Pierre faisait partie justement de ce groupe-là. Alors, quand tu parlais à Pierre de n'importe quelle situation qui s'est passée au Québec, et il suivait le sport partout, il y avait toujours une histoire et surtout la réponse pour y aller avec. Ouais, effectivement. C'est ça la force. Comme toi-même, d'ailleurs, Danny. Bah. On te parle pas mal n'importe quel événement. Je pense que c'est pas mal... T'es pas juste actualisé d'aujourd'hui, t'as aussi le passé dans C'est parce que c'est l'âge, hein. C'est ça que je disais à LPGui tantôt. LPGui qui a 38 ans. J'ai dit, tu sais, au 91-9, c'est un paquet de jeunes qui sont là, des jeunes de 20-25 ans. C'est pas un défaut être jeune, hein. Mais c'est parce qu'à un moment donné, tu deviens comme. Quand t'as un Pierre Rinfret comme mentor, ça doit être du bonbon pour le 91-9. Ah, ben écoute bien, c'était la mémoire. Si tu veux savoir quelque chose qui s'était passé sur le Canadien ou n'importe quel autre événement sportif à Montréal ou ailleurs en Amérique du Nord, il est devenu un grand ami de Pete Rose. Ouais. Avec des expos, les Dodgers, les Rays, il était bien aimé avec eux autres. Oui, un passionné de golf, évidemment. Il parlait beaucoup. Oui. Sympathie, évidemment. Écoute, bien. Roger, les rondes de se voir ensemble, tu ne peux pas t'imaginer. Ouais. Roger, tu as écrit un papier cette semaine. Est-ce que Charlie Montoyo sera congédié? Moi, je me posais la question cette semaine parce que je me dis, on peut pas parler encore de déception parce que les Blue Jays, c'est le début de la saison. Ce que tu perds au mois d'avril et mai, tu ne le regardes pas au mois de septembre. L'année passée, il est le plus bel exemple. L'année passée, c'était la relève. Cette année, c'est l'attaque. Mais est-ce que l'instructeur des frappeurs va être visé si l'attaque ne se replace pas? Mais dans ma chronique, moi, je pense qu'il est temps que lui s'en aille. Oui, hein? Si tu regardes le monde du football, rien avec Belichick comme exemple. Ouais. Okay? Même la sortie avec les Dodgers. À un moment donné, tu dois faire un changement de quoi? D'entraîneur adjoint. Mm. Parce que c'est eux autres qui mènent. C'est pas l'entraîneur-chef. C'est l'entraîneur adjoint. Mm. Tu sais, tu regardes les Yankees cette année, ils ont fait des gros changements. Entraîneur des frappeurs, tout ça. Oups, l'équipe change. Et je pense que les Jays ont besoin d'un changement à ce niveau-là, sans aucun doute. Aucun doute. Ils ont besoin d'échanger. Change de gérant, ça ne change absolument rien. Ouais. C'est parce que, tu sais, dans le monde de la politique, qui est-ce qui mène, c'est le sous-ministre. Mm. Mm. OK? Ouais. Et le ministre va prendre les décisions, mais c'est le sous-ministre qui prépare tout. Mm. Dans le monde du sport, c'est l'adjoint. Mm. T'es tout aussi fort que les adjoints. Et au hockey, la plus belle preuve, regarde Scotty Bowman, il y a toujours des adjoints remarquables. Ouais. C'est pour ça qu'il gagnait. Effectivement. Mais parce que je regarde, à part San Diego Espinal, là, c'est sûr qu'il n'y a pas juste. Aujourd'hui, tu ne regardes pas juste la moyenne, il faut que tu regardes également l'OPS également. Là, mais tu as au moins les frappeurs des Blue Jays, à part Espinal, là, c'est au moins 20-25 points en dessous de la moyenne qu'ils devraient frapper. Pareil, là. Mais c'est. Écoute, Espinal, d'abord, lui, c'est un bonus, il n'y a pas d'affaire à jouer. Ouais. Puis aussi longtemps que tu vas faire jouer Espinal sur une base régulière, tu ne gagneras pas. Mm. Je regrette. Il n'a pas assez de puissance, puis il n'a pas assez de points près. Il est bon, là. Ouais. Il n'a pas assez. Tu sais, écoute bien, tu as remplacé un frappeur de 40 coups de circuit par Espinal. Ouais. Bon. Et pendant la période hivernale, tu n'as pas remplacé les 40 coups de circuit et les points produits de Semien. Tu es allé chercher Chapman, mais il n'a pas remplacé Semien. Non. Non, non. Parce que, écoute. Et lanceur partant, là aussi, ça laisse à désirer. Oui. Mais c'est pas si pire que ça. Mais ta longue relève, ça n'est pas fort. C'est surtout. Voilà. L'attaque avec des coureurs en position de marquer, Danny, c'est ça qui est tough. Ah oui, il montrait ça à Sportsnet l'autre fois, la statistique. C'est impressionnant, là, c'est impressionnant. En tous les cas, genre de, c'est pas encore trop tôt pour peser ce bouton de panique, mais ce que tu perds hein, au mois de. Ou avril ou mai, tu ne le gagnes pas au mois de. Danny? Oui. Danny, tu gagnes un championnat au mois de septembre. Oui. Puis tu te perds au mois d'avril. Ah, c'est ça. Et la souci. Le mois d'avril, tu peux gagner. Regarde la différence des Yankees cette année. Ouais. C'est son mois d'avril. Ah, puis c'est ça. Alors, ton mois d'avril, si t'es un gros mois d'avril, tu vas gagner le championnat. Ouais. Si t'es un mauvais mois d'avril, tu vas le perdre. Puis au mois de septembre, tu rattrapes. Ouais. C'est sûr. Hey, Roger, c'est-tu la dernière année des Oakland? Non. Non? Il n'y a pas d'autre place à aller. Mais, OK. Non, mais c'est pathétique, yeah. Ce qui se passe, là. C'est ridicule. C'est encore pire que les actions des foules. Putain. Oakland, Pittsburgh. Mais Pittsburgh, propriétaire, ça ne dérange pas. Ouais. Oakland, Tampa Bay, c'est plus long qu'ils sont allés. Ouais, yeah. Avec les assistants. Tu sais, ouais. Ça n'a pas de bon sens que le baseball majeur n'a pas accepté ce qui se passait à Montréal avec les Rays. Ça n'a pas de bon sens. Non. Il y avait une chance d'avoir marqué incroyable et ils l'ont pas fait. Ouais. Mais Oakland, je reviens à Oakland, là, c'est le stade est fétiche. Je peux pas croire moi, que la ville d'Oakland, à un dernier moment, va revenir. Hey, ils ont perdu les Warriors, ils ont perdu les Raiders, puis là, ils perdraient les Aces. C'est quand même. T'as beau voir San Francisco à côté, t'as beau voir. Ça reste qu'il faut que ça ne dérange pas. Ouais. Ça ne dérange pas. Ils ont une mentalité de même à Oakland. Ouais. C'est une autre mentalité. Ouais, ouais, ouais. Hey, Calgary Edmonton, es-tu déçu que ça s'est terminé en 5? Moi, je suis un peu déçu que ça s'est terminé en 5. J'en aurais pris au moins une autre, OK? Et je peux te dire une chose. Il y en a un qui est en train de montrer qu'il n'est pas bien pantoute. Hein? Hey, McDavid. Oh. Moi, je vais t'expliquer. Les gens me posent la question, est-ce que c'est le meilleur de tous les temps? Lorsqu'il va faire ça trois saisons d'affilée, je t'en parlerai. Parce qu'il ne l'a pas fait encore. Il ne l'a pas fait. Ce qu'il est en train de faire dans les séries, là, c'est formidable. Mais c'est parce que les autres le faisaient pendant des saisons de temps. Et ça, il ne l'a pas donné encore. Ouais. Mais il est spectaculaire là-bas. Ah, il est spectaculaire. Ben moi, je vais être franc avec toi. Ouais. Moi, je vais être franc avec toi, là. Je regarde ça. J'écoutais Coach K parler avec Duke. Puis j'écoutais Barkley, Charles Barkley, de joueur de basketball. Moi, jouer contre Edmonton, là, je surveillerais même pas McDavid. Même si tu le surveilles, ça ne te donne rien. Ouais. Mais ses alliés, j'aurais toujours un joueur à côté d'eux autres. Ouais. Les deux défenseurs, c'est toi qui l'as. Les autres alliés, allez même pas le voir. Surveiller les alliés. Surveiller les alliés. Donne pas la chance que les alliés... Evander Kane, il est en feu. Là. Mais si t'empêches... McDavid avec ses alliés de faire ça, tu vas être bien. Moi, je pense que c'est ça qu'il devrait faire. Mais on s'en va vers un affrontement McKinnon. Ça risque d'être du bonbon, hein? McKinnon contre McDavid. Oh! Ça va être spectaculaire. Ah, ça va être fun. Écoute bien, ce qu'on voit de McDavid présentement, c'est du hockey hors pair. Tellement que ça te fait jongler. Mais je reviens toujours. Présentement, il est dans la classe à le mieux et Gretzky dans les séries. Ah, et là, ce qu'il va mal faire trois saisons d'affilée, là, je t'en parlerai, mais il ne l'a pas donné encore. Ouais. Le hockey qu'on voit de lui présentement, il ne l'a pas donné encore sur trois saisons régulières aussi spectaculaires et dominants. Ouais. Roger, on s'en parle vendredi prochain. Aux nouvelles. Salut.